Chapitre 4. Jean de Fer est étendu blessé sur le divan. Près de lui se tient Joey, le métis qu'il nomme son frère, sans doute par affection, car on voit à première vue qu'il n'existe entre eux aucun lien de parenté. Brisé de fatigue et d'émotion, le corps endolori par sa chute là-bas sur le lieu de l'embuscade, la jeune fille n'a pas voulu quitter d'un moment son sauveur. Elle contemple douloureusement le pauvre Jean et murmure, les larmes aux yeux, « Vous le guérirez, n'est-ce pas ?»« Oui, certes, je le guérirai, señorita, » répond le métis. « Mais il fera lui-même la bonne moitié de la besogne. Les Orions, voyez-vous, ça le connaît, et il en a reçu bien d'autres. » C'est un gaillard bâti en tôle d'acier, bien digne de son nom glorieux. « Qui que vous soyez, merci du plus profond de mon cœur, » interrompt avec dignité Don Blas. « Hé, goodbye, nous sommes des amis !» s'écrie Joey. « Vous en avez la preuve. » Puis il ajoute, mêlant les exclamations de provenance espagnole et yankee, « Demonio, nous n'avons guère le temps de faire les présentations. Après la bataille, on causera, si vous le permettez, seigneur. Vrai Dieu, ça commence à chauffer. » « Vous êtes ici chez vous, » répond Don Blas, « et je regrette de ne pouvoir vous témoigner, en ce moment du moins, toute ma gratitude. » « Doña Laura, chère femme, je vous prie de me remplacer près de ce brave jeune homme blessé pour notre enfant. Veillez à ce qu'il ne manque de rien. Moi, je vais où le devoir m'appelle. » Il saisit New Winchester et s'élance vers le vestibule en criant à ses gens. « Amis, tenez bon, j'accours !» Son beau visage empreint d'une pitié infinie, Doña Laura s'approche de Joey qui tâtonne la blessure. « Vous avez plus d'expérience que moi, » lui dit-elle. « Puis-je vous être utile ?» Je serais si heureuse de pouvoir vous aider. Sans vous commander, madame, répond avec respect Joey, voudriez-vous me faire donner une bouteille d'aguardiente? Puis avec cela, quelques poignées de coton? Je cours les chercher. Mère, je vous accompagne, s'écrie Juana. Du reste, il n'y a plus de serviteurs et il faut tout faire soi-même. Ils ont disparu attirés par l'émeute, l'irrésistible séduction des choses mauvaises, l'idée sauvage de destruction. Les derniers fidèles se sont joints aux blancs qui défendent la barricade. « Ah ! Voici le corps du délit, » fait Joey qui s'enroulait sous son doigt un corps dur. Il prend son poignard et d'un seul coup incise largement la petite tumeur. Une balle enveloppée d'un gros caillot tombe avec un bruit sec sur le parquet. « Ah ! Dit-il, ça vient d'un revolver Colt. » Au dehors, la fusillade commence à pétiller, ponctuée d'un coup d'obusier. La détonation ébranle jusque dans ses fondations la hacienda et se répercute à l'infini sur la plaine mouvante des cotonniers. Le fracas de la petite pièce d'artillerie fait tressaillir Jean déjà tiré de sa torpeur par la morsure de l'acier. Il s'agite, ouvre des yeux atones, balbutie des mots sans suite et brusquement se ressaisit en reconnaissant le bon sourire du métis. Il s'écrie, et d'une voix faible encore, et pour ainsi dire lointaine mais distincte, « Joey !» « Mon bon Joey !»« Jean, mon cher Jean !»« Et ma blessure, dis-moi la vérité. »« Ah, pas peur. Dans une demi-heure, tu seras sur tes pieds et prêt à cogner en grand avec moi sur ces... sur ce tas de... sur l'ennemi, quoi !» La soudaine arrivée de Juana et de sa mère arrête sur les lèvres du métis quelque épithète un peu rude. Juana voit le blessé à demi levé. Elle a entendu ses derniers mots. Les yeux grands ouverts du jeune homme la contemplent avec un respect attendri. « Ah ! Dit-elle, il vit. Mon Dieu, soyez béni. Oh, mère chérie, quel bonheur ! Oui, mon enfant, je partage ta joie. Si le malheur nous accable, du moins avons-nous cette consolation de voir vivre l'homme généreux qui t'a sauvé ?» Devant ces témoignages de gratitude émue, Jean ne sait plus où donner la tête, ni quelle contenance garder. Il rougit, s'agite et balbutie. « Madame, je vous en prie, ne parlons plus de cela. Vous me couvrez de confusion. La joie de vous voir réunis est ma plus belle récompense. » Un nouveau coup d'obusier fait vibrer les cloisons et frissonner sur la toiture les bardeaux de bois qui, là-bas, remplacent les tuiles. Les carabines crépitent sans relâche, envoyant de tous côtés des grêles de balles. Jean reprend, d'une voix qui s'affermit de plus en plus. « Et je voudrais faire plus encore. » « Prendre ma place dans la bataille, aider à la défaite de vos ennemis, assurer votre sécurité. »« Dans un moment !» interrompt Joey. Sans perdre une minute, Il prend quelques poignées de coton, les imbibe largement d'alcool et les applique sur la plaie. Le liquide incendiaire corrode les chairs vives et j'en sursaute, serre les poings et s'écrie « Ah ! C'est comme si un éclair me traversait le cœur !»« Bah toujours !» dit le rude guérisseur. « C'est le meilleur de tous les remèdes. Et je m'y connais, tu sais. » Il détache sa longue ceinture de bois, l'enroule solidement autour de la poitrine de Jean, fait 5 ou 6 tours, et improvise ainsi un pansement d'une solidité à toute épreuve. De temps en temps, il jette, par la porte du vestibule, ouverte à 2 battants, un regard furtif sur le théâtre de la lutte. Ivre, inconscient et farouche, aventurier, Indien Mansos et Apache se ruent à l'attaque. Au loin, les cases brûlent, faisant tour de l'hacienda une ceinture de flammes. Joey, les yeux luisants, contemple cette scène poignante. Il trépigne, s'agite et gronde. « Ces gens-là tirent comme des porteurs d'eau. Sauf votre respect, Signora. C'est de vos gens que je parle. Ils vont se faire massacrer. »« Caraille, si nous étions là, Jean et moi, sans nous vanter, nous aurions déjà échenillé la moitié de toute cette brigandaille. Allons, frère, allons. Dépêche-toi d'aller tout à fait mieux. »« Mais je suis prêt, » dit Jean dont le regard flamboie. « God bless you. Je crois bien que te voilà solide comme auparavant. » Il ne te faut plus qu'une carabine, des cartouches et un bon coup d'aguardiente pour finir ta résurrection. Vous permettez, mesdames ? À tout hasard, Doña Laura s'était munie d'une seconde bouteille. Joey saisit la flasque de grès, la débouche, entonne, bon gré, malgré le goulot entre les lèvres de Jean qui boit, boit, boit à perdre haleine, sans pouvoir s'arrêter ni protester. Il se dégage enfin et s'écrie « Assez, assez !» « Tu sais bien que je ne bois que de l'eau. »« Raison de plus, » répond gravement Joey. « Du reste, c'est l'ordonnance. » Une flamme ardente monte à la figure du blessé. Galvanisé par cette absorption brutale, oubliant fatigue et souffrance, il sent revenu sa terrible vigueur encore exaltée par ses bruits de bataille. Au dehors, la lutte est devenue de plus en plus vive. Bientôt, c'est un acharnement sauvage qui pousse les uns contre les autres les combattants. La fusillade crépite sans relâche, enveloppant d'une fumée intense les 2 groupes qui tirent au hasard et se font, par bonheur, jusqu'à présent du moins, plus de peur que de mal. Mais le contact est pris. Les assaillants, voyant le petit nombre des partisans de Don Blas, se précipitent sur la barricade pour l'enlever d'un coup. Surexcités par la boisson qui les rend inconscients du danger, ils arrivent d'un seul bond, en masse, jusqu'à l'obstacle, malgré les ravages de la fusillade. Bientôt les hommes de Don Blas vont être débordés. Les rebelles poussent des clameurs farouches. De droite et de gauche, des petits groupes essayent de se glisser sournoisement pour envahir la maison. C'est à ce moment qu'interviennent les 2 amis. « Courage, camarades, courage, nous arrivons !» crie Jean de Fer d'une voix qui domine le tumulte. Mais il est sans armes. Il ajoute, en serrant les poings, « Oh, une carabine, qui me donnera une carabine ?» Juana, qui conserve dans ce danger terrible un sang-froid magnifique, a disparu pour un moment avec sa mère. Elles reviennent en courant, tenant chacune un Winchester et, dans un bissac de toile, quelques paquets de cartouches. La jeune fille présente l'arme à Jean de Fer, puis, lui serrant nerveusement la main, s'écrie « Défendez-nous !»« Oh, jusqu'à la mort !» répond le jeune homme, près de s'élancer en pleine mêlée. Les balles arrivent en sifflant et s'enfoncent, avec un bruit sourd dans les parois en cèdre du vestibule. Un grand vase de porcelaine, dans lequel baignent quelques orchidées, tombe fracassé. Une statuette de bronze, fauchée de son socle, jaillit avec un son de cloche sous le choc brutal du projectile. Juana pousse un léger cri. Une balle vient de traverser sa chevelure. Un souffle, un vent de mort qu'elle a senti sur son front. « En avant !» gronde Jean. « Tu m'accorderas bien 1 minute, » fait tranquillement Joey. « Quoi ? Que veux-tu ? Le péril est ici. » Mais la défense est là-bas. Avant de nous jeter dans la bagarre, commençons par dégager les 2 obusiers. Le métis a raison. Les petites pièces d'artillerie vont être prises dans un moment et ça sera la fin. Il commande. En joue, feu ! Ils ont épaulé en même temps. Et sans relâche, leurs armes à répétition crachent les balles. Un feu roulant qui dure 6 secondes, vibrant et prolongé comme un coup de mitrailleuse. Cela fait crrrr ! Là-bas, à 50 pas, 12 hommes oscillent et s'abattent au milieu de la fumée grise, et Joey, dont l'œil flamboie, s'écrie avec un naïf orgueil. Là, Du moins, c'est proprement travaillé. » Il se retourne pour ramasser des cartouches et remplir les magasins. Derrière eux se trouvent, pâles et résolus, les deux femmes qui leur présentent chacune un Winchester tout près. Ils saisissent l'arme, jettent un bref « merci » et Jean gronde, les dents serrées. « À toi le canon sur la droite, à moi celui de gauche. Feu !» Le terrible roulement recommence, accompagnant la grêle de balles. Fauchés comme par un cyclone, aventuriers métis et peaux-rouges tombent sous les pieds de leurs camarades. Et soudain, il y a un flottement dans la masse des assaillants. Cela suffit pour un moment à dégager les obusiers. L'un d'eux est encore chargé. C'est une pièce d'un modèle très vieux, de celle qui s'enflamme au moyen d'une mèche. Mais le bout de feu est tombé, on ne sait où, sous les corps entassés. Comment tirer le coup de mitraille? Don Blas a une inspiration soudaine. Au risque de se mutiler, il applique son revolver sur la lumière et fait feu. La poudre qui emplit le mince conduit s'embrase et du même coup la charge. Le petit canon détonne avec violence et se cabre en lançant à bout portant ses débris de ferraille. Une large brèche se produit au milieu des rebelles. « Bravo, bravo !» crie Jean qui trépigne de joie. « À nous, Joey, à nous ! Fonçons dans la trouée !»« Mesdames, n'ayez crainte, le meilleur moyen de dégager la maison est de combattre là-bas. » Obéissant à cette fougue qui le jette en plein danger, il oublie sa blessure et bondit en avant comme poussé par un ressort. Il descend en courant le perron, suivi de Joey qui brandit sa carabine et ajoute, radieux à la pensée des Orions qu'il va distribuer, « Je crois qu'on va s'amuser. » Cependant, Jean s'arrête brusquement à la dernière marche. Il a un sursaut joyeux à l'aspect d'une forme rousse, tassée, aplatie au beau milieu d'un splendide massif d'hibiscus aux fleurs de pourpre. En même temps, la forme s'agite, s'ébroue, se dresse en hennissant. Et le jeune homme radieux s'écrie « Bob, mon cher Bob, moi qui t'oubliais, où diable avais-je la tête ?» C'est en effet le cheval de Jean. Entendant la bagarre, ne voyant plus son maître, il a cherché un abri, s'est faufilé dans le massif et attend patiemment. C'est ainsi d'ailleurs que sont dressés ces merveilleux chevaux du désert qui deviennent pour les coureurs d'aventure des auxiliaires vraiment incomparables. Sentant la poudre et entendant la bataille, Bob lance sa note de trompette et Jean d'un bond saute en selle. Puis il crie à Joey « Suis-moi, je déblaie la place et je passe. Tu vas crocher un cheval indien, il y en a partout. Et puis charge avec moi. Nous allons foncer là-dedans comme dans du beurre. » En même temps, il pousse le crissement du serpent fer de lance. Bob se dresse un moment comme un cheval héraldique et part des quatre pieds, narine au vent, la bride sur le cou. En face, à 50 pas, une dizaine d'apaches caracolent et reviennent au canon que le recharge précipitamment. Avec eux galopent les métis montant les chevaux volés à Don Blas. Peut-être les survivants de l'embuscade. Un peu en arrière, la foule des Mansos, les ouvriers de l'hacienda qui cherchent à se rapprocher de l'entrepôt d'alcool. Jean, sur son cheval qui semble une bête de cauchemar, arrive comme la foudre au milieu de ces énergumènes. Tenant sa carabine prête à faire feu, il crie d'une voix éclatante « Place, coquin, place !» Néanmoins, on cherche à l'entourer. Bob se met à ruer du devant, du derrière, à mordre de droite et de gauche, à démolir en grand piétons et cavaliers. Un apache lève son tomahawk. Jean saisit le poignet au vol, arrache comme une volaille de son perchoir l'homme de sa monture et le lance à la volée sur le sol. En même temps, il crie à Joey qui bondit dans son sillage « À toi, le cheval !» La carabine en bandoulière, l'intrépide métis prend d'un élan la place du cavalier culbuté. Le voilà sur le Mustang qui voudrait se dérober. Joey lui met les éperons au flanc et il part, maté, côte à côte avec Bob. Le cercle de fer est un moment disloqué. Les défenseurs de la barricade peuvent enfin respirer. Jusqu'à présent, ils ont fait face au péril intrépidement, mais sans cohésion et, pourrait-on dire, d'instinct devant la brusquerie de l'attaque. Au moment où Don Blas s'appelait aux armes, ils ont quitté leur tâche pour se précipiter vers le petit arsenal renfermant les engins de défense. Il y a des fusils, des carabines, des revolvers et jusqu'à deux petites pièces d'artillerie avec des munitions. Les débuts de la scène des héros avaient été rudes, et ses rapports avec les Bauriens du voisinage ensanglantés par des luttes fréquentes, d'où la nécessité de cet armement considérable. Au premier cri d'alarme, ces gens ont jeté pêle-mêle, en avant de l'habitation et du magasin au liquide, un peu tout ce qu'ils ont trouvé. madriers, meubles, caisses, branchages, futailles et surtout quantité de balles de coton. Ce bric-à-brac d'émeute s'est entassé en un clin d'œil et a formé cet obstacle qui a pu briser la ruée première de l'assaillant. Maintenant, ces braves gens seraient débordés sans l'intervention de Jean et de Joey. Don Blas comprend qu'il faut évacuer la barricade, sous peine d'être cerné et massacré sur place. Le désespoir au cœur, il commande « En retraite, mes amis, en retraite sur la maison !» Cela demande au moins 5 minutes, le temps pour Jean et Joey de faire une diversion, de supporter seuls tout le poids de l'attaque et de périr en enfonçant la ligne. Ils sont deux contre des centaines, contre une foule, et chacun les juge perdus. Un cri d'admiration et de terreur accueille leur folle et sublime tentative. L'œil humide, le cœur serré, Don Blas lève son chapeau et en pleine bataille, au milieu des coups de feu et des éclairs de poudre, salue ces deux inconnus qui vont succomber en essayant de les sauver tous. Ils chargent côte à côte, à travers les rangs littéralement empilés. Impossible d'employer les carabines. On se touche, on se porte, il faut d'autres armes. De droite et de gauche, ils voient des tomahawks levés sur leur tête. Ce sont des hachettes indiennes, aux manches de frêne indestructibles. Et Jean, goguenard et terrible, crie au peau rouge le plus proche « Allons, donne-moi ça !» Sans effort, en se jouant, il le lui arrache des mains et se dresse sur ses étriers en faisant un moulinet formidable. Bob rue avec frénésie et mord comme un tigre. L'homme et la bête forment un tourbillon, un cyclone, d'où jaillissent les coups, les ruades, les cris, tout ce qui mutile et terrifie. Maintenant Joey a imité son ami et conquis haut la main un tomahawk, l'arme par excellence des corps à corps. Et le voilà lui aussi cognant à tour de bras, au plus de rue, pendant que son cheval s'excite à son tour, s'emballe et devient furieux. Vainement les apaches poussent leurs cris de guerre, vainement les cavaliers d'Andrés se précipitent, le machette levé. Vainement enfin les piétons opposent une masse compacte hérissée de piques. Les deux intrépides compagnons passent comme la foudre. Enfin les voilà en dehors de la foule exaspérée. Aux hurlements, aux imprécations, ils répondent par un vaste éclat de rire et lentement arrêtent leurs chevaux. « Bien travaillé, mon Jean !» s'écrie Joey en brandissant à l'Indienne le tomahawk au-dessus de sa tête. « Bravo, Joey, bravo, petit frère, tu es superbe !» fait Jean debout sur ses étriers. « Mais ta blessure ?»« Parlons pas de ça, je ne sens plus rien, on verra demain si nous y sommes. »« Je te crois qu'on y sera. » Et à présent, que faisons-nous? Eh, caramba! Nous recommençons. Nous chargeons à revers et nous retournons défendre l'hacienda. C'est tout simple, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de plus simple. Allons-y donc! Les deux jeunes gens sont à 100 mètres en arrière de la ligne désarticulée. Chose étrange, nul ne songe à les poursuivre. On n'ose pas. Peut-être espère-t-on que ces deux terribles jouteurs, une fois dégagés, vont s'en aller. L'illusion est courte. Jean de Fer commande « Volte-face, en avant !» Joey répond en lançant à pleine gorge, comme un défi, le cri de l'oiseau moqueur, et les deux chevaux repartent au triple galop. De nouveau, ils arrivent comme la foudre sur les torses rouges, couleur terre cuite, et empilés comme des loups des prairies. Les vociférations redoublent, les hurlements de détresse se mêlent aux sauvages clameurs de l'attaque. La ligne des piétons est effondrée. « Je l'avais bien dit, comme dans du beurre !» fait Jean, qui de plus en plus s'amuse comme un bienheureux. « Tiens, la cavalerie s'en mêle à présent, » répond Joey. « Ils veulent même nous prendre au lasso, les imbéciles !» Comme à l'aller, un groupe de cavaliers essaie de barrer aux deux amis la voie du retour. L'œil furteur de Joey aperçoit plusieurs métis dérouler sournoisement leur lasso pour les enlever en pleine course. « Au vol, pourrait-on dire. » Il est temps, car déjà sifflent et tournoient les terribles nœuds coulants que lancent avec une habileté prodigieuse les Mexicains. D'ordinaire, le cavalier qui voit s'abattre sur lui la boucle arrive à l'éviter en se couchant sur le garrot de son cheval. S'il se blesse trop tard, s'il est enserré, il tâche de couper la lanière de cuir avec le couteau qu'il porte au-dessus du genou à la tige de la haute. Mais il peut arriver que deux lassos soient jetés en même temps, l'un sur l'homme, l'autre sur le cheval. Alors le cavalier est perdu. « Ta carabine !» crie Jean. « Compris !» dit Joey. L'un et l'autre envoient, à tour de bras, leur tomahawk qui part en sifflant et fêle quelques têtes. En une seconde, ils ont le Winchester en main. Sans épauler, à bout de bras, ils font feu coup sur coup, avec une vitesse et une habileté réellement stupéfiantes. Le cri de triomphe que jetaient déjà les porteurs de l'assaut s'étrangle dans leur gorge. Leurs mains retombent inertes avec la lanière. Frappés en plein corps, ils tombent le nez sur le pommeau de leur selle, pendant que Jean et Joey passent comme un tourbillon en criant « Maladroit !» Quelques minutes après, ils franchissent d'un bond léger la barricade évacuée à l'instant par Don Blas et ses hommes. Écorchés, balafrés, saignants, Bob et le cheval indien s'arrêtent en pleine course, tout net, à la mexicaine devant le perron. Jean et Joey, qui viennent d'accomplir ce terrible tour de force, n'ont pas une égratignure. Les défenseurs de l'hacienda, qui n'espéraient plus les revoir, les acclament avec enthousiasme. Et Don Blas, résumant la pensée de ce groupe harassé, tragique, noir de poudre, sauvé par les deux amis, s'écrie d'une voix retentissante « Caballeros, nous vous devons la vie et nous saluons vous les hommes les plus braves qui soient au monde. » Et Juana, qui a suivi d'un regard terrifié les péripéties de cette lutte héroïque, dit à sa mère en regardant Jean de Fer « Oh, je savais qu'il reviendrait. » Mais ce n'est hélas qu'une fugitive minute de répit. À peine si les deux amis, tout confus d'un pareil honneur, ont le temps de sauter à terre et de serrer quelques mains. Les cris de l'assaillant redoublent. L'incendie fait rage et se rapproche. Les magasins flambent. L'entrepôt d'alcool vient d'être emporté. Un millier d'hommes vont se ruer à la curée. La situation apparaît désespérée. Tout semble perdu, sans remède.